Ludo in the mix, Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Bonsoir, c'est Ludo qui vous emmène, le mix de Ludo, 21h, 23h, vendredi et samedi. Commençons tranquille. Baby, we've been doing all this late. No sufrir. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Ya hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy bien. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy. Call me, you play me like nobody. When you were everything for me, you shot me so damn well. You don't bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You don't bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Puerto Rico, Puerto Rico, je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Partout à croire que je suis parano. T'as changé de vie, t'as changé de numéro. Je t'imagine sourire dans les bras d'un autre. Ton parfum sur les draps ne cesse de me faire voyager. Autour de moi les gens me disent que t'as déménagé. Et j'ai ouvert les yeux quand les tiens se sont fermés. À l'autre bout du monde je te retrouverai. Tu peux me fuir moi, oui tu peux t'éloigner. Tu peux m'esquiver, je viendrai te chercher. Jusqu'à Puerto Rico, Puerto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Puerto Rico, Puerto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Puerto Rico, Puerto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Puerto Rico, Puerto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Jusqu'à Puerto Rico. Et tu m'en veux à mort. T'es parti, toi, voyager. Et je m'en veux encore. Je suis parti te retrouver. Et tu m'en veux à mort. T'es parti, toi, voyager. Et je m'en veux encore. Je suis parti te retrouver. Jusqu'à Puerto Rico, Puerto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Puerto Rico, Puerto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Puerto Rico, Puerto Rico. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. À Puerto Rico, Puerto Rico. Je te serai fidèle comme ton nom. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Le mix de Ludo. Once again, it's another rap bandit feeling an eye and I can't stand it. Wanna be down with the day glow. Knocking on my door saying ayo yo. Knocking on my door saying ayo yo. I got a funky new tune with a fly banjo. I can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo man, I gotta step out top. You wanna call me up? Take my number down. It's 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? Sorry I can't get through, but what up your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through, why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Yo, check it. Exit the old style, enters the new. But nothing's new by being hawked by a few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his phone. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a gnome. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I'd be like, yo, black disclaiming a tape. Well, actually show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks be so wick, wick, whack. Situations like this, I know hate to give me smiles Kool-Aid wide and ass. What's it? And with the straightest face, I'd be like, hell yeah. I slip them the digits and pop a Prince Paul so I don't go AWOL, but yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and and I'll get back to you. Check it out. Party at the Duggan on Dixon Ave. Haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. Step piles and piles of demo takes by the miles. All I wanna do is cut on the deck crowd, but addition the field by the mile to the sector. Believer of duty, plug one Moses in, and I be like, yo, G Pasta's all a producer. Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the money. Check, but I'm getting used to this demo abuse, getting raped and giving birth to a kid. Cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I do this act daily. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I got a date to play you back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that dials my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young adore who I swung on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone. And with the quickness, she'll recite like a poem. Hey, you done did the right thing. Dial up my ring ring. Now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing the tune the true instead of fronting on the speak. But no problemo, just play your demo. And at the end, it's breakout time. Please, oh, please don't press rewind. Cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you. Peace, peace. Les meufs serrés des gars, et ça toute la night. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir, pour quelques billets de sang, ça part en gîte. Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur GFM. Et au platinia HQ, hey, mais y'a même les gens du 7-7. Soit Tibronx, soit Jamet. Quand tu veux, on met ça. Des ghosts tap, un tissage vol. Pendant que mon gars Jerry Zoll se met bien sous alcool. Moi je danse le Mia dès que ça sonne un peu funky. Si elle me demande si j'ai le mi-père, je lui réponds cash. Fuck you! Et c'est souvent sur un bête de son que souvent dans la teboie y'a une grosse flaque de sang. J'ai vu une tape pas partir au ralenti. Ça s'insulte, ça se bouscule, ça zappe la galanterie. Et mon gars sur 100 tape, lui est dans ses bails. Attends, non, je crois que Dry est style. Un bête de style, que des balles me filent. T'es mal à bête de fil ou les boules défilent. Ici les samedis soirs, joie pas soupir. Embrouille histoire, si t'as pas trop de fait que ça pire. Putain, je suis rabat, je sais plus où je me trouve. C'est la loge, les chiottes, la cour ou la douche. Des cheveux longs, des cheveux courts. J'accoste où je cours, elle est grosse, oh my god, pas moyen de faire la cour. Quand ça approche, ça se tape des barres. Ça fume des spars comme si c'était légal. Les gars veulent serrer des meufs, les meufs serrer des gars. Et ça, toute la night. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir, pour quelques billets de sang, ça part en chien. Le mix de Ludo, bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Souvent le samedi soir c'est coup de tête gauche, que soit le check sous la paix, c'est section d'assaut, ça marche toujours. Prenne de là, je m'en reste des mioches, putain. Tu vois pourquoi je préfère un sinoche. Hello sister, je te demande pas ton numéro. On t'a déjà dit que t'étais une beauté numérique. Tu comprends le lingala,

brothers in the rocky waters. Hide away your sons and daughters. Eat you alive. Levels, better put your head on swivels. Dancing with the buried devil, butter tonight. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. So let it go, let it go. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Drowning, you're seeing doubles. Don't you let them see your struggles. Hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness. Cut you up in even slices. Prey on your fears. You think you're better than them, better than them. You think they're really your friends, really your friends. But when it comes to the end you're just the same as them, same as them. J'oublie tout quand tu danses.

felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then your love slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Samedi à 21h sur Sorgia FM. Le mix de vidéo. Le mix de vidéo. Souvenir.

Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. Sur GFM. À vous, c'est Ludo qui vous emmène, le mix de Ludo jusqu'à 23h. On a encore moins d'une heure à passer ensemble, faisons les choses bien. Voici Supermode. Si je me trompe pas, c'est un remix des Communards. Tell me why. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. t'emmènerai n'importe où où ce life m'amène. Ludo in the mix, si le vendredi et le samedi à 21h sur SanjFM. Je t'ai pas menti quand je t'ai écrit ce message. Te dire à la vie ou sans wesh. Mais je suis au cas et on a plein d'autres qui sont vaches. Bagué, paranoïde, c'est bagué. Ouais, maï, je fais ma zik, la maï. On passe en caisse, on drive-by. Bagué, paranoïde, c'est bagué. Ouais, maï, changer mon bris sans palma. Je me casse moi, je suis bye-bye. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. J't'emmènerai n'importe où où cette life m'amène. J'ai teasé toute la tête, je crois que je touche le ciel. J'suis fade up now. Toute seule. Pourrais te regarder danser tout un œil. C'était dans le cœur, il faut que je pop une autre tête. Je me sens encore un peu plus en apesanteur. J'ai pris la note, j'ai hâte de dire I love you. I love you. Et tu sais, ma vie. Tu sais tout ce que je ferai, tu sais tout ce que je ferai. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. J't'emmènerai n'importe où pour cette classe me mène. Disais toute la tête, je crois que je touche le ciel. J'suis fade up now. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Alors, tu dis études, tu

In The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur She needs to slow down. London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Le mix de Ludo. Make me my day, make me my day, make me my day. Oh, Une bonne soirée à l'écoute de Serge FM, on se retrouve demain 21h-23h, toujours les mêmes horaires, vendredi et samedi. I'm counting 1, 2, 3, 4, 5. Allez, petit hommage. Voici l'excellent Robert Miles, qu'on avait connu avec Children. Et là, le voici avec Maria Naylor. One and One. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous retrouve demain, 21h-23h, pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. Ciao, ciao, bye bye. Faites attention à vous si vous ressortez. Et rendez-vous demain, 21h. When we cry. play in it together till I know you better. Darling, darling, now what do you say? Là-dessus qu'on va se quitter. Rendez-vous demain, 21h-23h pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. Et tout ça sur Sorgi FM. Comme tous les week-ends. see. Thinking about a girl that move her body in a party. Sit back, relax, on the floor with my bow. With a Cadillac, get it low. That's what I'm fix, everybody sexy. Think about a girl that move her body in a party. Now throw that thing from the side to side. Throw that thing from the side to side. Come on. Ludo.